12 berceuses pour Dutilleul, de Sophie Malcor. Novembre 2002. Chapitre 1er. Promotion. C'était l'un de ces lundis matins qui n'avaient en soi rien de remarquable. Comme souvent, il faisait gris et Dutilleul n'avait pas le moral au plus haut. Pourtant, il aurait dû. N'avait-il pas remporté un incontestable succès quelques mois plus tôt en arrêtant un tueur en série du nom de Sébastien Louvier? Celui-ci avait tué à au moins 5 reprises, mais Dutilleul n'était pas réellement sûr que le palmarès fût exhaustif. Dutilleul aurait aimé pouvoir creuser davantage, mais comme trop souvent dans ses enquêtes, on lui avait fait très rapidement comprendre qu'il n'était pas nécessaire de creuser davantage. Du coup, les relations avec Maxime Destrée, son chef direct, s'étaient quelque peu tendues. Dutilleul gardait de l'affaire Louvier un sentiment d'inachevé, d'incomplet. Certes, l'assassin avait été lourdement condamné. Au regard des preuves apportées, il ne pouvait guère en être autrement. Pour Dutilleul, cependant, le dossier pêchait sur un point essentiel, le mobile. C'est ce mobile que, malgré tout son savoir-faire, Dutilleul n'était pas parvenu à arracher au tueur. Son attitude aussi l'avait dérouté. Sébastien Louvier s'était toujours montré très courtois et même parfois disert lors des interrogatoires. Mais Dutilleul n'avait rien pu en tirer. Non seulement son interlocuteur était très fort, mais pire, il en était pleinement conscient. Dès lors, le cas était plié, au plus grand amusement du prévenu qui reprenait ainsi l'avantage. Il n'était pas encore 8 heures, mais son assistante, Patricia Martineau, était déjà là. La bouilloire était en route. Dans quelques minutes, il pourrait déguster son premier thé du matin, tout en passant le programme de la journée en revue avec sa perle. Pourtant, dès qu'il vit l'air préoccupé de Patricia Martineau, Dutilleul sut qu'il se passait quelque chose d'anormal, et d'entrée de jeu, il n'aima pas cela. Il avait horreur qu'on l'importune à 7 heures. Mais il ne pouvait tout de même pas en faire porter tout le blâme à sa collaboratrice, qui avait l'air aussi désolée que lui. Pour qu'on le dérange à l'heure où les grands fauves vont boire, c'est que la nouvelle devait être d'importance. Aussi, résigné, il interrogea son assistante. « Monsieur Destrée veut vous voir de toute urgence, monsieur. Il a demandé 3 fois après vous. » Dutilleul poussa un soupir. « Ce n'est que cela. Il a dû passer une mauvaise nuit. Annoncez que je monte le voir immédiatement. » Et maintenez mon thé au chaud, voulez-vous? Bien, monsieur. Ainsi, le grand chef était déjà sur le pied de guerre. À une heure si matinale, cela ne lui ressemblait pas. C'était même en soi une sorte de record. Quelque chose d'extraordinaire avait dû se produire. Pour autant, Dutilleul ne se pressa pas pour monter l'étage qui le séparait de sa hiérarchie. Il serait mis au parfum bien assez tôt. Une fois en face de la porte, il frappa discrètement. Son chef va lui ouvrir lui-même. Diable. Dutilleul commença à ressentir une vague alerte. Pourtant, aucune affaire. Cependant, Dutilleul cessa vite de s'interroger tant son interlocuteur avait l'air radieux. Prenez un siège, Dutilleul, et causons. Pardonnez cette hâte à vous voir, mais la nouvelle ne pouvait attendre. Je souhaitais vous en informer moi-même, avant que les bruits de couloir ne commencent à circuler. Si vous voyez ce que je veux dire. Inutile de prendre de détours, j'ai une promotion. J'en suis heureux pour vous, monsieur, répondit placidement Dutilleul. Quoi, c'est tout? Répondit son interlocuteur, presque offusqué de son manque d'enthousiasme. Eh bien, je ne vois guère. Il ne voit pas l'animal. Il ne s'interroge pas une minute. Ah, Dutilleul, vous me désespérez. Dire que vous êtes, et de très loin, mon meilleur élément. C'est par trop incompréhensible. Je répète ce que je disais. Il faudra donc toujours tout vous dire. Cette promotion, je vous la dois entièrement. L'affaire Louvier a été si rondement menée. Oui, l'affaire Louvier. On a tellement loué la façon dont j'ai mené mes équipes que l'on me veut ailleurs. Salignac n'est donc pas si inamovible que cela, dit Dutilleul ironiquement. La remarque fit mouche et Maxime Destrée sembla se détendre un peu. C'est avec un léger sourire qu'il répondit. « Finalement, non. Comme quoi, il peut y avoir des retournements de situation tout à fait inattendus. Sait-on ce qu'il devient, ou est-ce encore du domaine du confidentiel ?»« C'est encore du domaine du confidentiel. mais je vous dois bien ça. Il atterrit du côté d'Annecy. Amusant. Oui, je trouve aussi. Comme quoi les têtes pensantes ont parfois de l'humour, même si je pense que, dans le cas présent, ce soit parfaitement involontaire. Espérons simplement qu'il ait la sagesse de se tenir le plus éloigné possible des tables de jeu, parce que sinon... Je n'y compterais pas trop si j'étais vous. Mais je vous présente tous mes vœux de réussite dans vos nouvelles fonctions, monsieur. Dutilleul, vous êtes insupportable. Pas une once de curiosité. Je me dis, j'espère qu'il va me la poser. La seule question qui compte vraiment, eh bien non. Je parierais même que la chose au fond ne vous intéresse pas. Dutilleul regarda froidement Destrée dans les yeux. De toute façon, ce n'est pas moi. Ah non, ne le prenez pas comme cela. Je pousse votre dossier, mon vieux. Je le pousse même fermement. Mais que voulez-vous ? Certains ont encore de gros doutes à votre endroit. Si seulement vous pouviez vous montrer plus docile. Puis beaucoup sont au courant de votre relation sentimentale. Je n'en ai jamais fait mystère. Peut-être. Mais cette situation ne peut pas durer. Elle choque beaucoup certains et, même si je n'approuve pas, je peux les comprendre. Fréquenter une prostituée, sans même vous cacher, un homme de votre classe. Il faut mettre fin à cette ambiguïté. Épousez-la une bonne fois, que diable! On ne peut pas lui retirer le fait qu'elle est très belle. J'aurais même plaisir à aller à Bonos, du moment que la mariée renonce au blanc. Je pourrais effectivement franchir le pas, mais ce n'est pas à l'ordre du jour. Je ne vous comprendrai jamais, dit-il. Vous êtes une source constante de frustration pour moi. Dire que si vous vous en donniez un peu la peine, contrairement à ce que pensent certains, vous seriez largement l'homme de la situation pour occuper cette place. Au lieu de cela, il bombarde un jeune loup aux dents très longues qui n'y connaît rien. Simplement, il a bonne presse et une ribambelle de diplômes. Il nous arrive de Nancy et sera là demain. Préparez-vous à du changement, dit-il. Je continuerai à veiller sur vous, de loin. Si seulement vous avez une once d'envie, d'ambition, vous me faites mal au bide, tiens. Surtout quand je vois Girel venir se pavaner dans mon bureau à la moindre occasion. Pourquoi ? Des broutilles les trois quarts du temps. Simplement parce qu'il a fait son boulot comme il devrait toujours le faire. C'est à peine à chaque fois si je ne dois pas dérouler le tapis rouge. Vous, dont on serait en droit d'attendre le même genre d'attitude, d'exiger sans cesse de nouveaux moyens, rien. Une petite équipe soudée qui tourne bien et sans bruit. Comment voulez-vous que la chose ne finisse pas par agacer ? Comme ils ont compris plus haut qu'ils ne pouvaient pas vous avoir au tournant, ils se vengent. En ne vous donnant pas les promotions auxquelles vous avez droit. Ils le font d'autant plus que vous ne vous plaignez pas. Alors qu'en ce bas monde, il faut sans cesse solliciter, quémander. Mais non, ça n'est pas pour M. Dutilleul. Il se trouve, monsieur, que je n'ai besoin de rien. C'est tout vous, cela. Vous savez que vous allez me manquer. J'ai même pensé un temps vous emmener avec moi, ainsi que Bellegarde, ça va sans dire. Bonne chance, monsieur. Bonne chance, bonne chance. Pourquoi refusez-vous toujours la moindre faveur ? Vous demeurez à jamais une énigme pour moi, dit-il. Bien sûr, si j'avais eu plus de temps. Bon, il faut toujours saisir la chance qui se présente, et je ne vous cache pas que j'en suis heureux. Depuis le temps que j'attendais. Au fait, savez-vous que Morand nous quitte, lui aussi ? Oui, il prend une retraite bien méritée. Un très bon élément dans son temps, ce Morand. Vous est-il arrivé de travailler avec lui ? Oui, quelquefois. Il a de beaux succès à son palmarès. Il était très méticuleux, très précis. Il réfléchissait toujours beaucoup avant d'affirmer quoi que ce soit. Oui, c'est vrai. Avec un peu plus de chance, il aurait certainement fait un très bon commissaire. Seulement, il souffrait de la même affection que vous, un excès de modestie. De plus, lui n'a pas eu la chance de tomber sur la grosse affaire. Ou sinon, il est passé à côté, ce qui est pire. Pour une fois, et même si cela vous fait déroger à vos habitudes, irez-vous à son pot de départ ? Eh bien, oui, même si, comme vous l'avez dit, je goûte peu ce genre de cérémonie. Alors je vous y verrai. Bonne journée, monsieur. Le pot de départ de Morand fut, hélas, exactement à l'image de ce que Dutilleul redoutait, morose. Morosité renforcée par le départ de Destrée. Dutilleul se demanda s'il regretterait ce dernier. Il fut bien en peine de répondre. Au fond, Destrée n'était pas le mauvais cheval. Pour tout dire, il lui avait toujours foutu une paix royale, le laissant absolument libre dans son travail. Seul le résultat comptait. Il est vrai aussi qu'il n'avait jamais eu à demander quoi que ce soit, ou à se battre pour obtenir des crédits. Le salaire de ses hommes était régulièrement revu à la hausse. Soudain, Dutilleul réalisa combien il s'était habitué à ce confort et qu'il avait fait la grossière erreur de le prendre pour acquis. Si acquis même, qu'il ne s'en souciait pour ainsi dire plus. Les discours tentèrent d'être humoristiques sans y parvenir vraiment. Dutilleul eut le sentiment très net qu'une époque venait de s'achever et cela lui fit un pincement au cœur. « Peur de l'inconnu, » lui aurait dit le grand con. Il n'aurait pas manqué d'ajouter « rien que de très banal, classique. » Penser au grand con en cet instant précis ne lui remonta pas précisément le moral. Il avait envie de fuir cette ambiance faussement chaleureuse, mais il s'exhorta à tenir bon. Il aimait bien Morand. Celui-ci ne lui paraissait pas très gai non plus. Plutôt comme dépassé d'être soudain le centre d'attention. Dutilleul prit un jus d'orange et se mit un peu à l'écart. Il avait soudain envie d'une cigarette, mais la seule fenêtre était prise d'assaut et il n'aimait pas fumer en compagnie. Il se résolut à aller dehors même s'il pleuvait. Morand avait dû le surveiller d'une façon quelconque puisqu'il ne fut pas loin à le rejoindre, cigarette au bec, lui aussi. « Dis, » attaqua Morand, « tu auras un peu de temps à m'accorder avant que je parte. Pour toi, toujours, qu'est-ce qui te tracasse ?»« Quelque chose que j'ai sur le bide, une vieille affaire dont je ne suis pas satisfait. Tu veux m'en toucher deux mots ? Pas ici, pas maintenant. Tu as bien le droit de te détendre ? Tu es heureux de partir ? Je ne sais pas. En fait, c'est surtout ma femme qui a poussé à la roue. Elle est très fatiguée. Elle veut partir au plus vite. Où ? Dans le sud, comme tout le monde. On a déjà un appartement en bord de mer. Elle s'y plaît beaucoup. C'est marrant. Je ne t'imagine pas très bien dans ce décor. Moi non plus, si tu veux tout savoir. À part la bouffe et la pétanque, je me demande bien ce que je vais pouvoir faire. Repartir en Normandie. Il me semble qu'à une époque, tu avais le coup de cœur pour cette région. Ben, c'est en rapport avec ce dont je veux te parler. Je peux te bloquer ma matinée de demain. Ce serait parfait. Au fait, qu'est-ce que tu penses du départ de Destrée ? Il aurait bien fini par évoluer un jour. Ce n'est pas juste. Arrête. Ah non, mon gars. Tu vas écouter un vieux comme moi. Cette promotion, elle t'était due. Et je ne suis pas le seul à le penser. Bellegarde en est vert. L'affaire Louvier a été du grand art. Tu aurais pu tout foirer. Combien d'affaires se terminent par un vice de procédure ? Tu n'as pas commis de faute et le client a eu ce qu'il méritait. Il n'y en a pas tant qui ont réussi un coup comme ça. Pourtant, c'est Destrée que l'on promeut. Pourquoi, bon Dieu ? Parce qu'il a su aller faire le Jacques à la télé, au moment opportun. Comme il avait des éléments en béton, grâce à toi, il a fait mouche. Un politique était devant son écran et bingo, parachuté en un éclair. En revanche, le véritable maître d'œuvre, lui, on le maintient soigneusement à sa place, parce que l'on sait d'avance qu'il ne dira rien. Vraiment, je ne te comprends pas, dit-il. Je n'ai jamais bien été intéressé par tout ce cirque, mais toi, tu me bats d'une longueur. On se voit demain. Ouais, mais s'il te plaît, pense à ce que je t'ai dit. Tu as bien plus d'appui que tu ne le penses.